pour passer des messages. Évacuer mes rages, j'écris ça sur mes pages, j'écris ça sur mes pages. J'enlève les patins de mes jambes, je branche mon micro et je chante. S'il y a pas assez d'inspire, je décapsule, consume la planche. J'ai besoin de péter les plans, je le fais de manière intelligente. J'ai besoin de péter les plans, je le fais de manière intelligente. Pourquoi ils m'attent de travers, tous ces gens? Genre j'ai une crotte de nez, une grosse qui pend. La tête haute, je pense, tout droit devant. La tête haute, je pense, tout droit devant. Moi je suis toujours à fond dans ce putain de sens. Si t'aimes pas, t'écoutes pas, c'est la seule solution. J'fais de la zig pour les amis, de la zig pour la famille, de la zig pour ta province, de la zig pour ta tessie. C'est pas pour rien que je suis ici, y'a pas de conneries dans ce que je dis. J'paiera pour me faire plaisir, mais y'a des messages aussi. Initiaux dans ton caisson, tu peux le mettre à fond. Mais écoute, les paroles, elles ont tous une morale. Et si je suis à l'âge, c'est parce que j'ai que ça à pour passer des messages, évacuer mes rages. J'écris ça sur mes pages, j'écris ça sur mes pages. Et si ça fait mal, ce n'est pas de ma faute. C'est la vie que je chante, ce mal qui nous rend. Mes soucis, je raconte, mes soucis, je raconte. Et si je suis à l'âge, c'est parce que j'écris ça à pour passer des messages, évacuer mes rages. J'écris ça sur mes pages, j'écris ça sur mes pages. Et si ça fait mal, ce n'est pas de ma faute. C'est la vie que je chante, tout ce mal qui nous rend. Mes soucis, je raconte, mes soucis, je raconte. Un peu de sel change de thème pour la plupart. Initiaux toujours le même, zéro album plus tard. Pas la dune de Booba, ni la carrière de Booba. Mais au mic, je ne mens pas, à la justice, je ne me rends pas. Si, si, j'aurais tout perdu, si je me rends pas. Ma fille, mon fils, mamie, Ifa, c'est mes seuls remparts. Je m'excuse pour mes remparts, tout ce que je pense, je le rends pas. Destiné à que dalle ou à Péra. Je fais pas du saut de pédale, je fais pas de l'opéra. Opérationnel sur les rimes, je ne fais pas le rat. Non, non, je suis là pour te faire kiffer le sang que je fais. Je suis là pour démontrer que le succès peut briller. Je suis là pour démonter tout ce qui m'ont fait des croche-pieds. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ça, ça va faire mal, ça, ça va faire mal. Et si je suis aïe, c'est parce que j'ai que ça à pour passer des messages, évacuer mes rages. J'écris ça sur mes pages, j'écris ça sur mes pages. Et si ça fait mal, ce n'est pas de ma faute. C'est la vie que je chante, tout ce mal qui nous rend. Mes soucis, je raconte, mes soucis, je raconte. Et si je suis aïe, c'est parce que j'ai que ça à pour passer des messages, évacuer mes rages. J'écris ça sur mes pages, j'écris ça sur mes pages. Et si ça fait mal, ce n'est pas de ma faute. C'est la vie que je chante, tout ce mal qui nous rend. Mes soucis, je raconte, mes soucis, je raconte. Mes soucis, je raconte, ma vie j'en n'ai pas honte. Je suis descendu sur bas, mais je vais remonter la pente. Tu le sais, NICO, c'est pour si c'est haut. Tu le sais, NICO, c'est pour si c'est haut. Je le fais à l'ancienne, à la bienne, je dis à la tienne. Si tu kiffes pas, reste en chien, si t'es une meuf, reste en chienne. C'est ce que j'aime, quand les mots et les rimes s'enchaînent. Quand je prends mon micro, c'est là que je me déchaîne. C'est là que je me déchaîne, que je crache toute ma haine. NICO, c'est mon son, c'est du taf à la chaîne. La musique deuxième métier, mais je le fais pas à moitié. Ma devise, c'est baise avant d'être baisé. Je représente le succès, mais à ma façon. On vit pas dans les champs, on n'est pas tous paysans. Le succès idéal, il est illégal. Le succès idéal, il est illégal. Et si je suis aïe, c'est parce que j'ai que ça à pour passer des messages, évacuer mes rages. J'écris ça sur mes pages, j'écris ça sur mes pages. Et si ça fait mal, ce n'est pas de ma faute. C'est la vie que je chante, tout ce mal qui nous rend. Mes soucis, je raconte, mes soucis, je raconte. Et si je suis aïe, c'est parce que j'ai que ça à pour passer des messages, évacuer mes rages. J'écris ça sur mes pages, j'écris ça sur mes pages. Et si ça fait mal, ce n'est pas de ma faute. C'est la vie que je chante, tout ce mal qui nous rend. Mes soucis, je raconte, mes soucis, je raconte. Ouais, ouais.